Okra Coke. Au lendemain du concert d'York, Faustine se lève à l'aube. Elle prépare pour ses invités un vrai petit déjeuner, brunch franco-suisse. Tresse au beurre, brioche, pain, confiture, cacao maison, charcuterie, fromage et œufs, tout ce qui réchauffe le cœur et l'âme. Garçons et filles lui en sont infiniment reconnaissants. Ils en ont été sevrés pendant toute la tournée. L'après-midi, sa maison remise en ordre, Faustine prépare le repas du soir. T-bone steak, pommes de terre au four et maïs doux, marquise au chocolat pour finir. Enfin de la vraie nourriture. On dînera tôt car l'orchestre s'envole à 23 heures de Dulles. En témoignage de leur reconnaissance, Michel et ses musiciens laissent à Faustine une demi-douzaine de leurs disques 33 tours. Les adieux sont touchants. Faustine est sommée d'envoyer un faire-part, sitôt que bébé sera né. Pour l'heure, il ne lui reste plus qu'à faire la lessive et préparer son sac. Deux jours plus tard, Mireille, Maxime et Faustine prennent le chemin de la Caroline du Nord. Le but final du voyage est la petite île d'Ocracoke. Il n'y a que 7h30 de route pour l'atteindre, qu'ils parcourront en deux fois. L'endroit choisi par Maxime est calme, pittoresque, promettant de jolies balades au bord de l'Atlantique. Du bon air, une nourriture saine, l'idéal pour une femme enceinte. Première étape, Williamsburg et son quartier historique, musée vivant où des acteurs en costume d'époque illustrent la vie quotidienne coloniale dans les rues, les magasins et les ateliers. Mireille est ravie de cette expérience qui lui permet de faire connaissance avec l'Amérique profonde du XVIIIe siècle. Le lendemain, ils quittent le motel très tôt, décidant de s'arrêter au gré de leurs envies et de leurs intérêts. Toute cette partie de la côte est s'avère incroyablement riche, culturellement parlant. C'est à Jamestown, par exemple, que fut implantée la toute première colonie britannique permanente sur sol américain. Le trio visite la ville, puis continue son chemin en direction de Cape Hatteras. La route North Carolina 12 traverse une longue langue de terre bordée de plages des deux côtés. Au débarcadère, pas de chance. Le dernier ferry vient de partir. Le suivant est dans 2 heures. Aucune réservation n'est possible, il faut attendre son tour. On pourrait en profiter pour faire le tour de ce cap, qu'en pensez-vous les filles? Bonne idée! Près du phare, un homme, assis sur un banc, semble les attendre. Il s'avère qu'il est guide et connaît l'île sur le bout des doigts. Il leur explique qu'ils sont actuellement sur une mince pente de sable qui fait partie d'un parc national. Le cap se trouve au confluent de deux courants marins, le Gulf Stream, chaud, venant des Antilles, et le courant plus froid de Virginie, descendant du nord. Cette rencontre permet un brassage des nutriments qui favorise une grande variété de faune et de flore marine. Du point de vue météorologique, la proximité du Gulf Stream en fait la zone de passage de nombreux ouragans. Des cyclones dévastateurs remodèlent fréquemment les îles. En hiver, la rencontre de l'air froid venant du continent avec les eaux chaudes du Gulf Stream en fait carrément une bombe météorologique, provoquant tempêtes de neige, vents violents, inondations. La région est très connue pour ses tempêtes. Et c'est au fond. Tant de navires s'y sont échoués que le cap est surnommé le cimetière de l'Atlantique. L'homme termine sur un grand sourire. « Mais vous ne craignez rien. En été, la zone est relativement calme. C'est la Floride qui ramasse. » « Eh bien, c'est gai, soupire Mireille. Vous êtes sûr que c'est là que vous voulez aller en vacances ?»« Pourquoi pas ?» répond Maxime. « Depuis quand prendre des risques te gêne ?»« Trop drôle. » À propos de risque, si on allait se mettre un hamburger derrière la cravate. Bonne idée, moi aussi j'ai faim. Sitôt rassasiés, les amis reviennent à l'embarcadère, juste à temps pour monter la voiture dans le ferry. La traversée dure une petite heure. Faustine est aux anges. Elle adore le bateau et l'inspecte sous toutes ses coutures. Trop vite à son goût, ils accostent dans le petit port de Cracovie. Le temps de trouver leur hôtel et de s'installer, laissant Mireille à ses découvertes, Maxime et Faustine partent se promener en direction de l'unique plage de l'île. Le village est un endroit paradisiaque épargné des promoteurs, émaillé d'hôtels charmants, de boutiques artisanales, de commerces indigènes, d'officines typiques. Ici, pas de béton, ou presque. On se croirait dans une carte postale historique. Ce n'est pas pour rien que nombre de films y sont tournés. Le bord de mer est magnifique aussi. Et Faustine est ravie de pouvoir enfin marcher un peu. Hélas, au bout de quelques centaines de mètres, le couple est harcelé par un nuage de temps particulièrement agressif. Faustine, piquée plusieurs fois, fait mine de se jeter dans la mer pour que l'épreuve s'arrête. Maxime la récupère in extremis. Les piqûres sont énormes et démangent terriblement. Craignant que cela n'affecte le bébé, ils partent à la recherche d'un docteur. Après de longues et angoissantes minutes d'errance, ils en trouvent un qui peut les prendre tout de suite. Peu enclin au perfectionnisme, il déclare que les temps, avec les moustiques, sont les premiers habitants de l'île, bien obligés de faire avec. Tous sont au courant et s'enduisent de divers produits répulsifs. Qu'on se rassure, bébé ne risque rien si on évite tout médicament ou pommade qui pourrait traverser la barrière placentaire. Faustine, stoïque, serre les dents. La semaine se passe, de balades en sieste, après-midi languide dans le jardin de l'hôtel, repas rustique savouré à la lueur des bougies, et tutti quanti. Arrive le vendredi soir. Après le souper, le trio se replie dans sa chambrette sous les toits. Soudain, vers 22 heures, un tonnerre musical éclate. Enfin, musical, c'est vite dit, probablement du hard rock. Bruit infernal s'il en est, avec des tonalités de basse qui créent rapidement un climat d'angoisse pour la future maman. Maxime, parti aux nouvelles, revient désolé. Pas de chance, les filles. C'est comme ça tous les vendredis et samedis pendant la saison. On est obligé de subir. Toute l'île est réunie en bas, à boire et à fumer, touristes inclus. Mireille, ça te dit d'essayer? Non merci, sans façon. Je n'aime pas trop ce genre de musique. Faustine? Moi non plus. Je vais tenter de dormir quand même. Quelqu'un a des boules qui est-ce? Je sais pas si ça fera grand chose, mais je peux toujours essayer. À 3 heures du matin, même topo, le bruit ne s'est pas arrêté. Personne n'a fermé l'œil. Faustine rumine sa colère comme chaque fois qu'on l'empêche de dormir. C'est sûr, elle ne passera pas une nuit de plus dans ce gourbi. À l'aube, le trio en pagaille pose ses bagages devant la réception. Maxime résilie la chambre. Qu'on déduise les 2 nuits supplémentaires réservées. Merci. Il se heurte à un mur. « Désolé, monsieur, pas de remboursement. »« Oh que oui, vous allez me rembourser. »« Il n'était pas prévu quand j'ai réservé que nous passerions une nuit blanche. »« Encore moins 2, surtout avec une femme enceinte. »« Je regrette sincèrement, monsieur. »« Nous vous avons donné une chambre la plus au calme possible. »« Mais le remboursement ne figure pas dans nos conditions générales. »« Vous savez où pouvez-vous les mettre, vos conditions générales ?»« Non, monsieur. Comme vous voudrez, monsieur. »« Veuillez s'il vous plaît nous remettre la clé de la chambre. » Il n'en est pas question tant que vous refusez de me rembourser. Et les amis de sortir furieux en claquant la porte. De rage, Maxime balance la clé dans une bouche d'égout quelques kilomètres plus loin. Plus tard, il s'arrête dans une station-service pour prendre de l'essence. Faustine fait le tour du magasin, achète 2 ou 3 bricoles, les paye et demande la clé des WC. Dans son état, elle en a fréquemment besoin. Atteinte de pipi chronique, comme toutes les futures mamans. En général, elle reçoit un assez bon accueil et on se met en 4 pour la satisfaire. Mais là, elle tombe sur un os. Désolée, madame, nos WC sont réservés au personnel. Oh, vous ne pouvez pas faire une exception pour une pauvre femme enceinte? Je ne suis pas malade, vous savez. Non, madame, notre direction nous l'interdit. Ne craignez rien, je ne porterai pas plainte. « Désolée, madame, c'est non. »« Bon. »« Alors vous l'aurez voulu. Tant pis. Au revoir. » Et Faustine, au sortir de la boutique, de s'accroupir devant la porte et baisser culotte. Depuis la voiture, prête à démarrer, Mireille l'observe et explose de rire. « Non, Faustine, Oh non, glousse-t-elle. Derrière la vitre, les employés en état de choc observent, fascinés. Ils ne voient pas grand-chose, la tunique cachant l'essentiel. Mais pour la prude Amérique, le geste de Faustine équivaut à un acte terroriste. Une voiture engagée sur la piste pour prendre de l'essence, voyant la jeune maman en train de se soulager entre les pompes et le magasin, recule brusquement et s'en va sur les chapeaux de roue, comme si les occupants avaient vu le diable en personne. Tout ce temps-là, Faustine admire le joli ruisseau doré qui se mélange aux graisses irisées du gasoline. Heureusement, ça ne prend pas feu. Fête étrange. Pendant les 2 bonnes minutes que dure l'attentat, on n'entend pas un bruit. Faustine guettait une sirène de police dans le lointain, mais non, elle se rhabille tranquillement, monte en voiture sans un regard en arrière, et la joyeuse équipe repart comme si de rien n'était. Début août, les vacances sont finies pour Mireille, en partance pour la grisaille parisienne. Elle n'aura pas rencontré l'Américain de sa vie, mais au moins elle aura passé un bon moment. Bien sûr, on se promet de se revoir. Bien sûr, on sait que ça ne se fera jamais, du moins pas ici. Faustine retrouve sa routine. Lessive, ménage, repassage, pain, confiture d'été, conserves variées. Anaïs, la cadette de Maxime, devrait arriver courant septembre, un peu avant la rentrée scolaire. Le mois d'août, c'est dire. Lynn, leur amie propriétaire, annonce en passant que Faustine est la bienvenue si elle souhaite profiter de la piscine des voisins. Quelle chance! Juste ce qui manquait à son bonheur. Dorénavant, Faustine s'y rafraîchit le plus souvent possible. Maxime n'hésite pas à la rejoindre. Installé dans un transat, il travaille aux ultimes corrections de son dernier livre, tout en prenant le soleil. Un après-midi, la maman en devenir fait trompette lorsqu'elle capte au loin le mouvement d'un objet flottant, non identifié. Elle se tourne pour mieux voir de quoi il s'agit et... Horreur ! Un serpent ! Au secours ! À l'aide ! Dans le grand bain, Faustine n'a pas pied. Elle panique, hurle, tente de rejoindre le bord. Le serpent, curieux, se dirige vers elle qui, évidemment, s'agite encore plus. Galvanisée par la peur, elle s'accroche au bord de la piscine, puis roule, boule, hors de l'eau, son gros ventre en avant. Maxime, accouru, récupère sa femme au moment où elle s'effondre en sanglotant. Au loin, le serpent a repris son petit bonhomme de chemin. Remontant tranquillement de l'autre côté du bassin, il s'évanouit dans les hautes herbes.